J'ai dans le cœur qui bat le tango, deux argentins qui dansent à quelques mètres d'un taureau. C'est le diable qui fonce et cette fille que je ne connais pas qui remue comme une folle. C'est le diable qui en fera son plat, ni moi ni l'alcool. J'ai dans mes pupilles dilatées un autre qui regarde les portes de mon amant cédé. Entrez, entrez dans ce dédale, chaque geste devient incontrôlable. Et ma voix qui n'en fait qu'à sa tête, c'est pas moi qui vais rouler sous la table. C'est pas moi, c'est la fête. J'ai le diable, c'est de la poudre aux yeux. Il me fait croire n'importe quoi, que je suis beau, que mes textes sont mieux que ceux de Rimbaud, de Molière et de Bouba. Que Django face à moi est un peintre et que je chante mieux que Johnny. Que je suis pas taillé comme un cintre et qu'à mes blagues, toi tu souris. Je me sens tout à coup éloquent et je bafouille de mieux en mieux. C'est moi l'étoile qui passe en filant. Allez les gars, faites donc un vœu. T'inquiète, je le connais, ce mauvais ange qui me laissera demain matin un air de fête ou des larmes de mes anges. Ah là là, qu'est-ce qu'il est taquin. J'ai le diable. Pas le diable des gouvernements, dans son costume séraphin, celui qui vend des balles au plus offrant. Là il est triste, le malin. Nous, notre diable est autrement plus marrant. Il nous fera marquer les annales, nous engueuler pour le moindre différent. Nous c'est le diable. Le diable des bacchanales. J'ai le diable.